les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Après dimanche, c'est lundi et le potage est refroidi, figurez-vous. Peut-être le saviez-vous. Certes, mais avant cela, avant ces phrases historiques, il y a Francis Poulenc. Oui, l'opérette, c'est bien. L'opérette, c'est la fête, par Jacques Rouchouz. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. La la et tout, la la la la la la et tout, la la la la la la et tout, la la la la la la et tout, la la la la. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. La la la la la la la la la la la la la. Suite de notre feuilleton bordelais. On ne saurait parler de Bordeaux sans citer son fameux festival, le Mai Musical. Voici un document extrait du Mai Musical de 1958. Denise Duval, présentée et accompagnée par Francis Poulenc, que voici. Une très belle chanson de quatre concerts qui s'appelle Toréador et que j'ai composée en 1918, vous voyez, ça n'est pas d'aujourd'hui, sur un poème de Jean Cocteau. Sous ton mirador, tous les gondoliers se disent: prends garde, Toréador. Sur ton cœur, personne ne règne. Dans le grand palais où tu dors, et près de toi, la vieille duègne guette le Toréador. Lorsque sur la place Saint-Marc, le taureau, fureur qui bave, tombe tué par ton poignard. Ce n'est pas l'orgue qui caresse, ton cœur sous la baoute adore, car pour une jeune déesse, tu brûles, Toréador. Belle espagnole, dans ta gondole, tu caracoles, Carmencita. Sous ta gondole, un qui pétille, bouche qui brille, c'est Pépita. Oh, oh. Si nous n'arrivons plus à nous détacher de Bordeaux, c'est que de nombreux musiciens nous y retiennent. Nous avons rencontré hier le dernier Henri Sauguet. En remontant dans le temps, on pourrait citer aussi Édouard Colonne, Charles Lamoureux et plus près de nous, Louis Betz. Vous savez que j'ai déjà raconté l'histoire des compositeurs d'opérettes, dont Louis Betz, lors de séries précédentes. Je ne vais pas recommencer, mais nous aurons quand même une petite pensée pour ce musicien si délicat. Aussi à l'aise dans la musique de film, la mélodie et l'opérette comme celle-ci, Moineau, le final. Et faisons flotter les rubans, que le dieu des amours nous guide et nous protège. Le fruit dansera jusqu'aux cieux, son aigrette sonore et joyeux. Les garçons d'honneur passeront les deux brisés. Nos cris, nos chansons, nos rêves, nos rimes, nous instants nouveaux. Aux vieux chevaux, soudain feront pousser des scènes. Dans le sillon poussif, petit bouffe-moi. Betz, mort en 1953, a laissé à l'opérette des pièces charmantes, parmi lesquelles « À l'aimable Sabine » et « Moineau », dont voici un autre air drôle, chanté par celle qui fut son intime, Gabrielle Ristori. Oh, trop cruelle destinée, après dimanche, c'est lundi, la ribouldague est terminée, et mon potage est refroidi. Plaignez la femme d'aujourd'hui. Plaignez la femme d'aujourd'hui. À d'obscurs travaux condamnés. Adieu mes boucles, milady. J'ai remis mes vieux bigoudis. Y'a des gens comme ça qui maudit, sic transit gloria mundi. Et moi comme la châtelaine qui filait la laine, l'oulaine, piquant, piquant à perdre haleine, l'oulaine, l'oulaine, l'oulaine, l'oulaine, tout en trouvant le temps bien long, l'oulaine, l'oulaine. L'oulaine, je repris mon pantalon de laine. Au Balthazar de l'Iménée, au beau jour des veaux et des riz, je fus bien vite retournée d'avoir trop eu de pommerie. Plaignez, plaignez la femme d'aujourd'hui. Plaignez, plaignez la femme d'aujourd'hui. À d'obscurs travaux condamnés. Du beau guerrier qui m'a souri, la main malue. Il appelait ça le chéri, l'argument a posteriori. Et moi, comme la châtelaine qui filait la laine, l'oulaine, piquant, piquant à perdre haleine, l'oulaine, l'oulaine. Trouvant le temps bien long, long, long, long laine, long, long, long laine, je repris mon pantalon de laine, long laine, long, long, long laine, long, long. Mais comment citer Bordeaux sans évoquer son maire, Jacques Chaban-Delmas, grand amateur d'opérette. Le voici rendant hommage à Louis Betz, justement. Au mois de mai dernier, au cours d'une soirée véritablement printanière, dans la ville de Bordeaux, devant une maison bien modeste de l'avenue de Verdun, place Paul Doumer plus précisément, un spectacle curieux a retenu l'attention des observateurs. On inaugurait une plaque. Et un grand nombre de Bordelais, de Bordelaises, du peuple, se pressaient autour de cette plaque, devant cette maison. Et ils savaient de quoi et de qui il s'agissait. Et il y avait dans cet ensemble, dans cette assemblée, parmi lesquelles tranchaient naturellement quelques officiels, comme on dit, mais aussi des amis, sûrs et sincères, il y avait une émotion véritable, une sorte de ferveur, à laquelle on ne pouvait pas se tromper. Et lorsque nous avons découvert la plaque sur la maison natale de Louis Betz, il s'est produit comme un murmure. Toute la vie était arrêtée. Les tramways, les vieux tramways ne roulaient plus. Le Watman était descendu. Et les voitures elles-mêmes avaient cessé leur tintamarre. Et je me demandais, en repartant un peu plus tard, quel était le sort le plus enviable de celui d'un homme, d'un auteur, d'un musicien, connu, très connu, par les esthètes, par les spécialistes, disons par les amateurs et les professionnels, mais inconnu du peuple, du public, et de celui qui est non seulement connu des cercles informés, mais qui, même si son nom lui-même est ignoré de beaucoup, accompagne la multitude au cours de sa vie, pendant qu'elle fredonne ses mélodies. Et j'ai pensé que Louis Betz avait la meilleure part. Et c'est la raison pour laquelle, me souvenant de plus de sa présence, de sa manière, de cette réserve qu'il avait à lui, par une sorte de timidité d'ailleurs, j'en suis sûr, à l'égard de ceux qu'il ne connaissait pas bien, ayant pu par la suite mesurer à quel point il était possible d'en bénéficier pleinement et sans réserve, j'ai pensé que nous n'aurions pas de peine, les uns et les autres, à parler de lui maintenant, presque sans tristesse, sinon sans regret, car il nous a légué une œuvre qui nous permet de retrouver des frémissements de joie, d'allégresse, et aussi parfois de tristesse, mais d'une tristesse qui fait du bien. Les femmes sont vraiment fantaisistes, et en somme on voit bien que l'amour ne leur coûte rien. Comme ça, brusquement, à l'improviste, elles crient l'œil enflammé, je les sauve d'amour, ah viens m'aimer. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux, mais c'est tellement plus difficile. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux, mais c'est tellement, tellement plus difficile. Pour passer son permis de conduire, un examinateur a une jeune femme morte de peur. Car pour Châteaudun ne cesse de dire, partez, stoppez, freinez, faites marche arrière et puis tournez. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux, mais c'est tellement plus difficile. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux, mais c'est tellement, tellement plus difficile. Un mari demandant à sa femme, que fais-tu aujourd'hui? La femme très gentiment lui dit, aux galeries on annonce des réclames, mais faut pas t'inquiéter, je ne me laisserai pas tenter. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux, mais c'est tellement plus difficile. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux, mais c'est tellement, tellement plus difficile. Pendant que la Syrie vous canonne, et que 100 000 obus, et même bien plus vous tombent dessus, soudain de l'arrière on téléphone, du courage les enfants, allons debout et en avant. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux, mais c'est tellement plus difficile. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux, mais c'est tellement, tellement plus difficile.

Nous ne nous retrouverons pas demain, car c'est le 15 août, l'Assomption. Mais nous n'allons pas nous quitter comme cela, puisque lundi nous évoquerons les chanteurs bordelais. Voici le plus illustre d'entre eux. Il a étudié à Bordeaux, Luis Mariano. L'opérette C'est la fête par Jacques Rouchouz, réalisation Nathalie Trianda, première diffusion sur France Culture le 14 août 1986.